abandonne coupable. Moi, fuir un malheureux que la fatalité qui suit un misérable abandonné des dieux que le destin poursuit, que la douleur accueille.